durée de la quarantaine. Sauf disposition spéciale concernant les clients militaires américains, ce produit est garanti être exempt de tout défal matériel et de fabrication pendant les périodes suivantes à compter de la date d'achat. Au de rien, je passe et je repasse. La garantie couvre tout défal matériel et de fabrication de ce produit. Les suivants ne sont pas couverts par la garantie. Petit 1, endommagement ou détérioration des parties externes. Petit 2, toute unité qui a été attirée, dont le numéral de série, a été modifié, enlevé. Petit 3, endommagement ou détérioration des fonds de fonctionnement provoquèrent par alors non, des fois déçus, des fêtes et dépités, j'écoute le silence. Par la personne non autorisée, par la chose. Je ferme mes paupières, j'ouvre tout grand la bouche, j'abolis mes neurones et je m'abasourdis. Seul enfoncé au fond, perdu parmi